autre maladie qui fait planer depuis quelques années le spectre d'une pandémie à l'échelle mondiale. Pour l'heure, la maladie est encore globalement cantonnée aux animaux, mais année après année, la grippe aviaire revient avec son lot d'inquiétudes. Au 8 février, la France comptait 349 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 30 cas en faune sauvage et 14 cas en basse-cour. Comment prévenir la diffusion de cette maladie, d'éventuelles mutations qui pourraient être transmissibles à l'homme? Faut-il remettre toutes les volailles d'élevage en intérieur? Et plus généralement, sommes-nous impuissants face à la grippe aviaire? Grippe aviaire, mon rhume en plume, c'est le programme contagieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre comment cette maladie se répand et revient année après année, quels sont les moyens dont nous disposons pour lutter contre, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pathologie aviaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, également directeur de l'UMR Interaction Hôte Agent Pathogène. Nous sommes également en ligne avec Serge Morand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, écologue, directeur de recherche CNRS à l'unité MIVEGEC de Montpellier, également chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Mais on commence, comme chaque lundi, par le tour de l'actualité scientifique du week-end. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue dans la revue Journal of Clinical Medicine, il serait possible de détecter l'endométriose par un simple test salivaire. Cette maladie chronique touche une femme sur 10. Elle est extrêmement douloureuse, pas seulement pendant les règles, et elle provoque l'infertilité. Pourtant, elle reste mal connue et il faut en moyenne 8 ans avant d'obtenir un diagnostic. Ce qui est d'autant plus problématique car c'est une maladie qui peut s'aggraver avec le temps. Alors cette équipe française a recherché des biomarqueurs pour pouvoir rapidement identifier cette pathologie. Et elle s'est intéressée à du matériel génétique qui se trouve dans la salive, les micro-ARN, un type particulier d'ARN qui ont un rôle inhibiteur dans l'expression des gènes. Ils font partie de ce qu'on appelle au sens large la machinerie épigénétique. Sur 200 patientes, dont 153 qui souffraient d'endométriose, les chercheurs ont fait du séquençage haut débit pour analyser tous les 2600 micro-ARN connus du myrnome. Ils ont découvert 109 micro-ARN impliqués dans cette maladie. Et ils ont ainsi conçu un test qui pourrait identifier 96% des patientes andromyotiques. Dan Evemann est directeur de recherche INSERM et responsable de l'équipe génomique, épigénétique et physiopathologie de la reproduction à l'Institut Cochin à Paris. L'originalité, en fait, c'est, je pense, d'un point de vue conceptuel, le fait que les auteurs se sont dit « on va pas chercher un ou deux micro-ARN qui sont vraiment des marqueurs de l'endométriose ». On va plutôt chercher directement un profil de micro-ARN qui éventuellement comptera plusieurs dizaines, voire centaines de micro-ARN. L'idée étant que si on utilise de nombreux micro-ARN et non plus quelques-uns, non plus une poignée, on allait avoir un renforcement statistique qui allait permettre de découvrir ceci. Alors, mon impression globale, c'est que c'est prometteur. Pour moi, il y a encore un certain nombre de limites à ça, même des limites très importantes. Alors, première limite qui est évidente, c'est pour le moment le coût. C'est pas un test ni PCR pour donner une échelle de valeur, ni un test antigénique. Hein. C'est un séquençage à haut débit du myrnome. Donc c'est un coût de plusieurs centaines d'euros par expérience. Pour le moment, c'est relativement onéreux. Ça, c'est une première limite. Deuxième limite, c'est que les techniques que j'ai évoquées au niveau statistique, c'est des techniques de bootstrap. Et en fait, elles prélèvent des échantillons à partir d'un pool qui est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a 200 individus et on va donc les mélanger, on va prendre d'un groupe 10 de l'autre, on va faire des tests et puis on va le refaire un certain nombre de fois, etc. Donc en fait, le point de départ, c'est toujours les mêmes données, donc c'est pas une validation externe. Ce qui veut dire qu'en fait, on est très très loin du gold standard de ce qui serait un test, qui est ce qu'on appelle un RCT ou Randomized Control Trial, donc un essai randomisé contrôlé, où là l'idée c'est qu'en fait, ça se fait en double aveugle, on a des micro-ARN de patientes pathologiques et non pathologiques, personne n'est au courant de qui est qui, on fait les tests et on dépouille après pour voir si on arrive à distinguer à partir de ça. Donc ça n'a pas été fait et ça doit être fait sur un échantillon qui est différent que celui qui a servi à récupérer les premières données. Donc ça, c'est une deuxième limite. Il y a aussi une troisième limite à mon sens, hein, c'est que là, bien sûr, les auteurs sont partis, bien sûr, ce qui est logique, de deux groupes, un groupe de femmes contrôle et un groupe de femmes endométriotiques, mais l'endométriose, elle a un certain nombre de caractères qui peuvent se retrouver dans d'autres cas. Par exemple, je sais pas, une inflammation chronique, mettons, je sais pas, par une personne qui a une maladie de Crohn, par exemple, qui a une inflammation digestive chronique, est-ce que par hasard, elle n'aurait pas le même profil? Donc, ça serait un facteur de confusion. Que le panel de micro-ARN auquel ils arrivent est de 109. Hein. Ça fait beaucoup. C'est certainement prometteur. C'est pour le moment, me semble-t-il, plus proche de la recherche que de l'application. Pour le moment, ce qu'on peut dire, je pense. Voilà, une étude prometteuse, mais avec un certain nombre de limites. Vous pouvez vous y référer directement via les posts que nous faisons, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Nature Communications, les forêts absorbent la pollution au mercure. En Amazonie péruvienne, une équipe internationale a échantillé les feuilles et le sol des forêts tropicales vierges, non loin de mines d'or artisanales qui provoquent des émissions de mercure. Elle a découvert des niveaux de méthylmercure atmosphérique, la forme la plus toxique du mercure, à des niveaux sans précédent. Les chercheurs ont aussi analysé les plumes de 3 espèces d'oiseaux. Ils avaient 12 fois plus de mercure dans leurs plumes que les oiseaux de zones moins polluées. La faune et la flore stockent donc une grande quantité de mercure. Selon les auteurs, le problème de la pollution au mercure est bien plus vaste que la seule pollution de l'eau. Selon une étude parue dans la revue Science, les chercheurs de Harvard ont créé des poissons de synthèse à partir de cellules cardiaques humaines. Oui, un poisson avec une nageoire conçue à partir de gélatine, de plastique et de cardiomyocytes, hein, les cellules musculaires du cœur. Une dizaine de ces poissons de synthèse ont nagé dans des incubateurs jusqu'à 108 jours. Les chercheurs ont découvert que ces cellules provoquent le mouvement musculaire autonome et rythmique du cœur. Chaque contraction se produit automatiquement en réponse à l'étirement d'une paire de muscles antagoniste. En quelque sorte, ces poissons nageaient de la même façon qu'un cœur qui pompe. L'expérience nous permet de mieux comprendre le processus d'automatisme cardiaque et pourrait nous permettre de concevoir des cœurs artificiels. Et enfin, grâce à une étude parue cette fois dans Scientific Reports, on découvre que les dinosaures toussent. On sait qu'ils ont souffert d'arthrose, de fractures ou de cancer, mais on sait peu de choses sur la santé des dinosaures. Une équipe américaine a analysé les vertèbres cervicales de Dolly, un jeune dinosaure de 15 ans d'une espèce de Diplodocus. Des os qui se trouvaient dans une zone attachée au sac aérien du système respiratoire de l'animal. Les chercheurs ont remarqué des anomalies osseuses avec une forme et une texture inhabituelles. Selon eux, elles ont été provoquées par une grave infection respiratoire, une aérosaculite, une maladie respiratoire très répandue chez les oiseaux aujourd'hui. Il y a donc 150 millions d'années, les dinosaures ont donc très certainement eu de la fièvre et de la toux. Quelle meilleure transition pour parler de la grippe aviaire, puisque les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Et c'est également ce dont nous allons parler, de grippe aviaire, une grippe qui est apparue à l'échelle du globe en 1997 suite à une percée épidémique à Hong Kong, percée qui s'est soldée par la transmission à l'être humain et la mort de 6 personnes. Ça, c'est officiellement, puisque officieusement, comme vous venez de l'entendre avec les dinosaures, même si c'est certainement pas le même type de virus, les affections, en tout cas de type influenza aviaire, sont certainement beaucoup plus anciennes et se transmettent entre les populations d'oiseaux sauvages à des niveaux plus ou moins symptomatiques. Mais c'est dans les élevages intensifs que la maladie fait des ravages et menace de muter au contact de l'être humain dans une forme qui pourrait, comme le coronavirus que nous connaissons en ce moment, finir par se transmettre entre humains et donc aboutir à une pandémie bien plus préoccupante. Mais commençons par le début, en tout cas retour à la source officielle de cette influenza aviaire. Nous sommes en 1997 et à l'époque, on parle encore de grippe du poulet. Après avoir fait face à la maladie de la vache folle, à la variole du singe, voilà que l'espèce humaine est confrontée à la grippe du poulet. Elle vient de Hong Kong. Là-bas, plusieurs personnes sont mortes, d'autres ont dû être hospitalisées après avoir été infectées par un virus qui décime depuis quelque temps les élevages locaux de volailles. Les autorités hongkongaises ne prennent pas l'affaire à la légère. Elles ont annoncé ce matin la mise en quarantaine d'une ferme et d'un marché de gros. Demain, tous les poulets élevés sur le territoire de l'ancienne colonie britannique devront être abattus, puis enterrés dans une vaste fosse commune. Une correspondance de Pierre Kérol. C'est un véritable état de siège qui a été décrété autour des établissements fermés. À l'exception des enquêteurs et du corps médical ou vétérinaire, plus aucune personne n'est désormais admise dans les zones infectées. Les autorités de Hong Kong ont pris cette décision après avoir découvert dans la ferme la présence du virus sur certains animaux et après avoir constaté dans le marché que différents poulets étaient morts subitement dans la nuit. L'annonce de ces fermetures dans deux quartiers, situés non pas sur l'île de Hong Kong, mais dans la partie du territoire située sur le continent, a évidemment ajouté encore à l'inquiétude de la population. D'autant que pour la première fois, un haut responsable de l'OMS, Daniel Lavanchy, a admis que la grippe du poulet pouvait parfaitement se transmettre entre êtres humains, même si ce mode de transmission, a-t-il dit, est rare. Ce chercheur est arrivé à cette conclusion après avoir observé qu'un médecin de Hong Kong avait été contaminé par l'un de ses malades porteurs du virus. Voilà, extrait de France Inter Actualité. Nous sommes le 28 décembre 1997. Jean-Luc Guérin, j'imagine que vous vous souvenez de cette première alerte à l'échelle internationale autour de ce qu'on en allait appeler, après la grippe du poulet, la grippe aviaire. Oui, alors moi j'étais tout petit, tout jeune vétérinaire. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, il y a un avant et un après Hong Kong 97, puisque ça correspond à l'émergence d'un nouveau type de virus influenza H5, dont l'ancêtre en fait maintenant pour tous les virologistes appelé Goose Guangdong 1996. Et mais ceci dit, l'influenza aviaire hautement pathogène, ça a existé des décennies auparavant, hein, sous des formes un petit peu différentes, avec des virus H5, H7, sur différents continents. Mais c'est vrai que cette émergence-là a marqué une différence de par l'ampleur des cas et puis aussi le caractère zoonotique, puisque jusqu'à cette époque, on considérait qu'il y avait une barrière relativement étanche entre les virus d'influenza aviaire et les virus de grippe saisonnière qui affectaient l'homme. Et cette étanchéité qui a été remise en question à cette époque-là. C'est bien là la bascule Serge Morand qui se fait en 97, c'est que d'un seul coup, cette grippe aviaire que l'on connaît, ou ces grippes du poulet, ou en tout cas ces influenza aviaires, elles peuvent se transmettre à l'homme, et d'un seul coup, tout le monde redoute. Je me souviens assez bien de la panique qui se développe à partir de 97, et puis qui reviendra quelques années après, en se disant, mais est-ce que ça va pas contaminer tout le monde? Tout à fait, c'est exactement ça, et c'est bien résumé aussi par Jean-Luc. C'est-à-dire qu'on avait des connaissances avant, hein, pour comme quoi il y avait des passages, comme quoi il y avait des... On supposait aussi des principes zoonotiques, mais là, à partir de cette date, on a la preuve et on va avoir de plus en plus l'occasion de l'observer jusqu'à maintenant. Jean-Luc Guérin, on sait que ces pathologies aviaires, elles remontent, on en a des traces presque antiques dans la littérature. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça devient un sujet vraiment de préoccupation? Comment est-ce que il y a eu une bascule finalement de l'épizootie à la zoonose? Alors ce qu'il faut, on a parlé effectivement de cette bascule de 1997. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce virus, donc qui correspond à une lignée très particulière qu'on appelle maintenant la lignée asiatique de H5, qui est donc une sous-catégorie de virus d'influenza aviaire, elle a continué à prospérer peut-être aussi parce que il y a à la fois un contexte en Asie du Sud-Est qui est très favorable à l'émergence et à la circulation de ces virus, et on a assisté à un véritable foisonnement génétique de ces virus-là avec ce qu'on a appelé progressivement des clades, c'est-à-dire des sous-catégories de ces virus qu'on a appelé au départ les clades 1, 2, 3, puis au sein du clade 1, le 1.1, 1.2, puis le 2.1, 2.2, et maintenant, donc 25 ans plus tard, on en est à un clade qui a connu et qui connaît, un succès très important, qui est le clade 2, 3, 4, 4B. Mmh. Ce qui montre bien, si vous voulez, le degré de foisonnement, cette grande diversité, cette grande capacité d'évolution des virus influenza. Et ce virus-là, il a supplanté tous les autres, en tout cas dans les couloirs de migration qui nous survolent. Et c'est celui qui, depuis 2014, représente le plus gros risque et qui a changé la donne, hein, en termes d'exposition du continent européen au virus influenza aviaire hautement pathogène. Alors, le point positif, entre guillemets, on va retracer un peu justement l'évolution de ces différents virus. On va essayer de comprendre comment, pourquoi ils mutent autant et si nous sommes encore sous une sorte d'épée de Damoclès d'une mutation qui transformerait effectivement cette épizootie en zoonose telle qu'on l'a connu pour le coronavirus. Mais Serge Morand, pour l'heure, l'alerte, la grande panique d'une grippe aviaire transmissible à l'homme et qui ravagerait la planète n'a pas eu lieu. Ça a toujours été, pour le moment, réfréné. C'est plutôt bon signe, ça ne veut rien dire. Comment est-ce qu'on l'interprète, ça, aujourd'hui? C'est une bonne question. Et on pourra s'interroger aussi sur le fait pourquoi on a une grande diversification actuelle de ces virus. Je voudrais juste rappeler en même temps de ce qui s'est passé en termes de fréquence des événements et de comparer un peu la fréquence des événements sur l'oiseau domestique, hein, donc d'élevage, et sur les oiseaux sauvages. Alors, on ne va pas remonter trop loin dans le temps parce que les oiseaux sauvages ont certainement été plus récemment surveillés. Mais on voit bien que, par exemple, si on remonte de 2012 jusqu'à 2022, on a des épisodes forts de ces épidémies, alors notamment 2014, 2017, 2021, 2022. Ça, c'est pour les espèces d'oiseaux domestiques. Mais par contre, on s'est aperçu que pour les oiseaux sauvages, on voit vraiment apparaître 2017 comme étant importante. Et alors 2021, c'est énorme. Et 2022, c'est parti pour être énorme. C'est-à-dire, il se passe quelque chose dans la faune sauvage qui n'existait peut-être pas jusqu'à présent, au moins jusque dans les années, début des années 2010. Jean-Luc Guérin, peut-être un mot à ce propos. Effectivement, pendant très longtemps, les oiseaux sauvages ont été entre guillemets préservés, ou en tout cas faisaient des formes qui étaient peu symptomatiques, peu dangereuses, avec peu de mortalité. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Quelque chose a changé également dans ce registre-là. C'est justement, c'était bien expliqué par Serge, ce qui se passe, c'est que ces virus qui dérivent donc du virus Guandong 96, et en particulier ce clade particulier, le 2344B, bien je dirais qu'il a il a un très grand fitness, une très grande capacité d'infection d'un certain nombre de types d'oiseaux sauvages, et il a pu comme ça s'installer en quelque sorte de manière pérenne, alors avec des fluctuations très fortes, et comme ça a été dit, effectivement, une augmentation très significative hein, de la fréquence de détection depuis maintenant un peu plus d'un an. Mais ce qui change la donne, c'est effectivement le fait que jusqu'à l'émergence de ces virus, on considérait que la faune sauvage véhiculait les virus faiblement pathogènes, et que dès lors qu'on avait une émergence de virus hautement pathogènes, du fait d'une mutation sur les agglutinines, eh bien en fait on sortait du compartiment sauvage et on restait dans le compartiment domestique, en particulier dans les poulets. Et c'est ce dogme, en quelque sorte, cette doctrine qui était très importante pour les virologues d'influenza aviaire, qui a changé complètement et qui fait qu'aujourd'hui, on a des oiseaux sauvages qui peuvent survivre relativement longtemps avec le virus, c'est ce qui explique qu'ils peuvent les véhiculer. Disséminer, on a donc un virus qui circule abondamment dans ces colonies d'oiseaux et qui évidemment nous survole. On va continuer à parler de cette grippe aviaire, de ces virus influenza aviaire, puisque comme vous l'entendez, ils mutent beaucoup. On va essayer de comprendre comment ils mutent, à contact de quelle population. Et puis on posera évidemment la question de la barrière et du franchissement de la barrière d'espèce que tous les virologues ont à l'esprit. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de grippe aviaire tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Luc Guérin et de Serge Morand. Jean-Luc Guérin, donc grippe, ça veut dire que c'est un virus influenza comme la grippe humaine. Quelle est la différence entre ces différents virus? Alors, effectivement, on est sur les influenza A, donc des influenza qu'on va retrouver dans la plupart des espèces, en tout cas dans beaucoup d'espèces de mammifères et chez les oiseaux. Et là-dedans, il y a un certain nombre de déterminants qui vont expliquer pourquoi un type de virus infecte par exemple l'homme ou pas. Là-dedans, parmi les déterminants, il y a évidemment la clé d'entrée dans la cellule qui est l'hémagglutinine. Donc c'est le H5N1. Tout à fait. Voilà. C'est le H, et donc on sait que, ben, par exemple, les oiseaux sont particulièrement sensibles au H5 et au H7, qui seuls ont la capacité à devenir hautement pathogènes. Ce caractère hautement pathogène, il est notamment supporté par quelques mutations très particulières au niveau du site de clivage, qui font que chez les oiseaux, et heureusement uniquement chez les oiseaux, un virus qui normalement est, séquestré en quelque sorte dans les cellules épithéliales, va avoir la capacité à infecter quasiment tous les types cellulaires chez l'animal. Donc c'est un caractère pantrope qui est très particulier et qui historiquement a donné lieu au terme de peste aviaire. Parce qu'en fait, il y a une dissémination du virus avec des charges virales qui sont d'ailleurs beaucoup plus importantes. Et donc ce qui veut dire que d'ailleurs, au passage, que ces virus, du coup, du fait même du nombre de particules virales, ont mécaniquement plus de risques de mutation, puisque les tailles de population virale, elles augmentent considérablement. Et donc, même toutes choses étant égales par ailleurs, une infection, un passage à la forme hautement pathogène augmente le potentiel évolutif de ces virus. Alors, on va revenir sur ces différentes formes. Peut-être un mot, Jean-Luc Guérin, parce que vous dites, effectivement, les types les plus pathogènes, c'est H5 et H7 chez les populations aviaires. Chez l'être humain, c'est surtout H1 et H3 qui nous contaminent le plus, c'est ça ? Tout à fait. Ce sont les virus H1 et H3 qui sont à l'origine de l'essentiel des épisodes de grippe saisonnière et qui ont des capacités évolutives d'ailleurs différentes. Hein. Le H3 a tendance à évoluer de manière plus rapide et pose souvent plus de difficultés d'adaptation des souches vaccinales. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces virus, même s'ils sont H1 et H3, bien en fait, à l'occasion de brassages génétiques qu'on appelle des réassortiments, peuvent en quelque sorte se nourrir de gènes d'origine aviaire. Et donc, ces échanges de segments génétiques peuvent être très importants dans l'histoire longue, dans l'évolution longue de ces virus. Alors, juste expliquez-nous la différence, par exemple, entre un H1 et H5. C'est-à-dire que est-ce que la différence est très importante ? Est-ce qu'il peut y avoir de la recombination ? Vous parlez de sites de clivage. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que, en gros, il faut comprendre. Et je vais réutiliser ce dont on a beaucoup parlé pour la protéine spike. On parle là de la clé qui rentre dans la cellule. C'est-à-dire que ce sont les récepteurs, justement, à cette hémagglutinine qui permettent aux virus dans nos cellules de rentrer à l'intérieur et de les infecter. Mais là où, chez les êtres humains, ce sont essentiellement les cellules épithéliales pulmonaires et bronchiques qui sont touchées, comme vous le disiez tout à l'heure, chez les oiseaux, c'est l'intégralité des cellules de leur organisme. Tout à fait. Et donc, en gros, en fonction des types d'hémagglutinine, donc des clés, on a un tropisme, en quelque sorte, une affinité pour des récepteurs, notamment ce qu'on appelle les acides sialiques, qui sont différents et qui peuvent expliquer le tropisme plus marqué pour l'homme, pour le porc, et même chez les oiseaux, entre le poulet, le canard ou d'autres espèces aviaires, on a des différences significatives au sein même d'une hémagglutinine H5 qui peuvent expliquer pourquoi on a certains virus qui vont plutôt se multiplier chez le canard, qui va à ce moment-là jouer un rôle important de réservoir et d'amplification de virus, alors que d'autres vont plus se multiplier chez le poulet. Donc on a des instruments qui permettent de mesurer cette affinité, soit dans des systèmes in vivo ou sur des systèmes in vitro, qui permettent de mesurer ce niveau d'affinité pour tel ou tel type d'acide sialique, et donc de prédire en quelque sorte, déjà, en tout cas le tropisme au niveau de la clé d'entrée qui est l'hémagglutinine. Serge Morand, peut-être un mot sur l'évolution naturelle de ces virus aviaires. On l'a dit, on est inquiet à partir de 97 parce qu'il y a un passage chez l'homme et qui crée quelques morts, très peu, mais tout de même quelques-uns et suffisamment pour générer de l'inquiétude. Comment on explique aujourd'hui l'extrême variabilité ? On sait que les virus grippaux chez l'homme mutent beaucoup et mutent facilement. Comment est-ce qu'on explique l'extrême variabilité chez les populations aviaires sauvages et d'un autre côté, chez les populations aviaires domestiques, est-ce que finalement ce virus il mute plus dans les élevages de poulets ou il mute plus dans la nature chez des oiseaux migrateurs ? C'est encore une fois une bonne question et une question un peu difficile à répondre, parce que nous n'avons pas assez de données au long terme. Alors on a quand même des collègues qui travaillent sur les populations sauvages d'oiseaux et notamment sur ces virus aviaires qui circulent. Mais on manque encore un peu de données. Mais si on reprend sur ce que nous a dit Jean-Luc tout à l'heure sur la quantité de virus et finalement la quantité d'hôtes qu'il faut pour maintenir tous ces virus, il se passe quand même quelque chose d'important depuis les années 60, 90 jusqu'à 2020. C'est la grande augmentation du nombre d'oiseaux mis en élevage. Si je prends rien que les poulets, en 60, il y avait 4 milliards. En 2020, il y en a 30 milliards. En 1997, justement une bonne date, pour les oiseaux sauvages, ils étaient estimés à 300 milliards. En 2021, juste maintenant, ils ont été estimés, il y a quelques mois, à 40 milliards. C'est-à-dire pratiquement le même nombre que les poulets. C'est-à-dire que si on prend toutes les volailles qui sont mises en élevage, c'est le même point. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer ça? Puisqu'on a en même temps cette bascule qui s'est faite, c'est-à-dire que maintenant, le monde aviaire, c'est pratiquement un monde d'oiseaux domestiques. Ben là, on peut dire que c'est peut-être eux qui sont le véritable amplificateur et le véritable créateur de la diversité génétique, de la recombinaison que nous parlait déjà Jean-Luc, et potentiellement que la faune sauvage se trouve réinfectée, et par contre, elle participe d'une dissémination, et elle prend la large l'échelle, notamment intercontinentale. Jean-Luc Guérin, peut-être effectivement un mot là-dessus sur l'explication qui rend certaines de ces souches ou de ces sous-types, pour parler plus précisément, de grippe aviaire hautement pathogène, hein, parce que on distingue les IH, les IAHP pour hautement pathogène et les IAFP pour les souches faiblement pathogènes. Comment est-ce qu'on explique qu'elles soient plus globalement pathogènes chez les oiseaux d'élevage que chez les oiseaux sauvages? Alors effectivement, il y a des éléments d'explication qu'a évoqué Serge, hein, c'était effectivement l'augmentation de la taille des élevages, mais surtout du nombre global d'unités, puisqu'on sait que d'un point de vue épidémiologique, le nombre d'unités, je ne dirais pas indépendamment de leur taille, mais joue un rôle en tout cas très important. D'un point de vue virologique, ce qui est important, c'est de voir ensuite la capacité du virus à la fois à s'amplifier dans le compartiment domestique et à passer dans le compartiment sauvage. Et effectivement, ce qui est redoutable avec ces virus dérivés du Guangdong 96, c'est qu'ils ont les deux. Ils ont à la fois la capacité à infecter de manière massive les volailles, alors les galliformes, c'est-à-dire les poulets, les dindes et les palmipèdes, et du coup de passer dans le compartiment des oiseaux aquatiques et d'y rester et d'infecter manifestement avec beaucoup de succès les animaux dans son compartiment sans provoquer de signes cliniques de manière rapide, ce qui permet finalement à ces oiseaux de les véhiculer sur des milliers de kilomètres. Mmh. Et c'est cette équation-là qui n'était pas du tout évidente à trouver malheureusement, et qui permet aujourd'hui ce phénomène-là, à la fois un phénomène de création entre guillemets de nouvelles souches qui se fait sans doute essentiellement en Asie du Sud-Est, avec ensuite un brassage génétique qui peut s'opérer encore sur les voies de migration. Et on a perpétuellement une accumulation, si vous voulez, de deux phénomènes évolutifs, à la fois l'acquisition des mutations, comme tous les bons virus ARN, donc des erreurs dans le système de copie, et puis ensuite un brassage génétique, parce qu'il y a 8 segments d'ARN qui sont susceptibles de se rebrasser, c'est ce qu'on appelle les réassortiments. Et par exemple, on a cette année, en Europe de l'Ouest, du H5N1, qui a supplanté complètement le H5N8, c'est-à-dire que l'hémagglutine H5 est à peu près la même, sauf qu'on a changé la neuraminidase, et ce changement de neuraminidase n'est pas neutre dans la biologie, dans le comportement du virus. Et ce qui fait qu'on a, si vous voulez, un compartiment aviaire qui est globalement très important, qu'il soit domestique ou sauvage, qui pour le compartiment sauvage est très mobile, et en plus un virus qui, en gros, est en perpétuelle évolution, en perpétuel brassage, sans doute du fait aussi des mélanges de populations d'oiseaux à un moment donné, qui font se rencontrer différents génotypes de virus et donc créer éventuellement, perpétuellement, des virus qui ont des propriétés sensiblement différentes. Donc ce qui est certain, c'est en tout cas que la démultiplication du nombre d'individus d'oiseaux dans des exploitations agricoles favorise très largement la diffusion du virus et donc ses recombinaisons et donc l'émergence de nouvelles souches qui vont ensuite se transmettre via les chemins migratoires. C'est ça qu'il faut comprendre, Serge Morand ? Oui, c'est ça. C'est bien, bien défini. Et je pense que c'est exactement ça. À la fois, on a une augmentation de la densité, mais du nombre de productions, du nombre de circulations aussi entre ces productions, la circulation aussi, il faut voir aussi la circulation entre les exploitations, sur les marchés. Donc, on a vraiment l'animal domestique bouge énormément et en même temps, les contacts et le fait que les animaux sauvages bougent énormément. Je voudrais juste faire un petit exemple qui est exactement la même chose dans le monde de l'aquaculture avec les virus de saumon, où on s'aperçoit que le comportement domestique du saumon d'élevage, c'est lui l'amplificateur des virus de saumon qui sont non plus pas zoonotiques, hein, mais qui vont après affecter les populations de saumon sauvage et qui provoquent aussi l'évolution forte de la diversification de ces virus de saumon. J'ai l'impression qu'on a les mêmes raisonnements et les mêmes causes qui sont en train de se passer sur tout un ensemble d'élevages d'animaux pour la consommation humaine. Pendant un temps, Jean-Luc Guérin, donc après 97, finalement, il y a pas eu d'importantes épidémies de grippe aviaire. Il a fallu attendre 2003 pour qu'on ait à nouveau il y a une vague importante qui vienne. Là, on a l'impression que année après année, les écarts se resserrent et que finalement chaque année vient et apporte sa nouvelle épidémie avec son nouveau variant. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour en tirer des conclusions fermes, ou est-ce qu'il faut encore attendre de voir si ces évolutions peuvent amener à de nouvelles pauses d'une année sur l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Et effectivement, ce qu'on observe, c'est une accélération et un changement de paradigme depuis l'installation de ce clade 2344B. Ce que nous avions observé, c'était une vague très importante en 2016-2017. Et puis ensuite, on a eu trois années de répit, si vous voulez, jusqu'en 2020. Ce qui nous laissait éventuellement espérer d'avoir un petit peu de répit après cette dernière vague. Malheureusement, on voit bien que ça n'est plus le cas. Que sur l'année 2021, ben en fait, les foyers dans la faune sauvage ne se sont quasiment pas arrêtés. Ce qui fait que là encore, on a une évolution, un changement de paradigme qui fait que ce ne sont plus simplement les migrations descendantes qui sont associées au risque, mais on a un risque d'installation un petit peu plus pérenne dans des populations sauvages, je dirais, non migratrices. Et puis, on a eu cette évolution avec un changement de virus, le H5N1, avec ce changement de neuraminidase. À ce stade, il est très difficile de prédire ce qui va se produire dans les mois, les années qui viennent, mais en tout cas, sur un pas de temps long, il est raisonnable d'imaginer que on va avoir une persistance de ces phénomènes pendant au moins de nombreuses années, avec des fluctuations qui seront très difficiles à prévoir. Alors, on peut aujourd'hui arriver à prévoir à partir, on va dire, du mois d'août, du mois de septembre. On voit bien quand on commence à avoir des foyers dans la faune sauvage ou dans les élevages qui sont documentés au Kazakhstan, en Russie, on a les signaux d'alerte qui commencent à s'allumer. Ceci dit, il est difficile de remonter au-delà. Et donc cette prédiction aujourd'hui, elle est effectivement très très difficile, d'autant que, un peu comme on l'a vécu avec le Covid, on n'est pas à la merci de l'émergence d'un virus avec des propriétés un petit peu différentes, qui donc supplante son prédécesseur. Et qui pourrait franchir un peu mieux et de manière un peu plus efficace la barrière d'espèce. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. J'aimerais juste votre réaction, Serge Morand, à ce que vient de dire Jean-Luc Guérin, avec le fait qu'il faille vraisemblablement s'habituer à avoir de manière plus récurrente ces épisodes et ces vagues de grippe aviaire déferler de manière quasiment systématique d'une année sur l'autre. Oui, je pense qu'on est vraiment rentré dans ce cycle-là. Mais les données parlent d'elles-mêmes. C'est en 2017 à 2018, on allait les fréquences d'événements épidémiques par semaine, ça dépassait pas les 30 à des 30 événements par semaine déclarés, et en 2021, on est passé à 60. Jusqu'à des pics de 60, et en 2022, fin 2021, début 2022, on est déjà à 30 et plus, quoi. Donc oui, on est, et avec vraiment des événements qui sont tout au long de l'année, depuis 2021 jusqu'à 2022, c'est tout le long de l'année, toutes les semaines. On va continuer donc à discuter de cette évolution de la grippe aviaire, de ces différentes vagues. On va aussi examiner quelles sont les solutions, car il y a évidemment des solutions médicamenteuses, mais pas uniquement, également dans la façon certainement de gérer les élevages d'oiseaux en plein air ou en intérieur. Et puis on parlera évidemment de la possibilité de passage ou non à l'être humain. Ce sera juste après notre pause musicale. Restez avec nous. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the craze on him. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. piles of banana spells in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls like knocking bad boys. It's a helping hand that makes you feel relatively blind. Oh, it's a century's remedy. But the friends at heart start trying to sell. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Says she comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. Country House de Blur à 16h35 sur France Culture. Nous parlons de grippe aviaire tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Luc Guérin, professeur de pathologie aviaire à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et directeur de l'UMR Interaction Hôte Agent Pathogène, et Serge Morand, biologiste, écologue, directeur de recherche CNRS à l'unité MIVEGEC de Montpellier et chercheur au CIRAD. Nous allons donc parler surveillance et traitement. Surveillance pour commencer puisque la réaction survient tôt à la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire, et bien moins il est compliqué d'endiguer l'épidémie qui peut s'en suivre. L'Organisation mondiale de la santé animale a ce rôle. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'OIE pour comprendre son fonctionnement. Oui, j'ai rencontré Lina Awada qui est épidémiologiste et vétérinaire au sein du service d'information et d'analyse de la santé animale mondiale au sein de l'OIE. Elle nous explique le rôle que joue l'Organisation mondiale de la santé animale lorsque de nouveaux cas de grippe aviaire sont recensés dans le monde, ainsi que la fonction de l'OIE en matière de recommandations sanitaires, ces normes qui sont proposées par l'OIE sur la base de rapports d'experts et de scientifiques spécialisés dans ce type de maladie. Ce que l'OIE recommande et dans ses normes, c'est que ce sont les pays qui sont responsables de mettre en place une surveillance au niveau national sur leur territoire, à la fois des oiseaux sauvages et des animaux d'élevage, avec des normes, en suivant les normes techniques de l'OIE, donc sur les tests à utiliser, les moyens de surveillance spécifiques, avec aussi un appui technique des experts techniques de l'OIE, si besoin. Et ensuite, ces pays, une fois qu'ils ont identifié des cas, sont tenus de les notifier de façon rapide et précoce à l'OIE. L'OIE va ensuite recevoir cette information, la valider et la publier, afin que les autres pays du monde et l'ensemble de la communauté scientifique puissent mettre en place donc les moyens nécessaires pour éviter la propagation. Vous parliez de normes, quelles sont ces normes? J'imagine qu'elles sont très nombreuses, qu'elles font l'objet de très nombreux rapports, de ce que j'ai vu sur le site internet de l'OIE, mais quelles sont les principales, en tout cas les plus saillantes? Donc il y a des normes sur les méthodes de diagnostic que les pays peuvent utiliser, donc des normes scientifiques sur vraiment les tests de laboratoire, les méthodes aussi de collecte d'échantillons, la façon dont on va faire de la surveillance. Il y a plusieurs types de surveillance. On observe par exemple les cas cliniques, on regarde la mortalité des animaux. Par ailleurs, on peut aussi faire des prélèvements sur les volailles pour faire des prélèvements testés en laboratoire pour faire de la surveillance. Et toutes ces recommandations sont détaillées dans les normes de l'OIE. Et par ailleurs, il y a d'autres conseils, notamment en termes de bonnes pratiques de biosécurité, d'hygiène, qui sont importants à mettre en place dans tous les élevages et aussi sur les marchés d'animaux vivants, pour limiter au maximum les risques de contact avec des animaux infectés, que ce soit des oiseaux sauvages ou d'autres élevages contaminés. Également, il y a des normes sur le contrôle. Donc, une fois qu'il y a des cas qui sont détectés, que peut mettre en place le pays? Quelles sont les mesures qui sont efficaces et recommandées par les experts? En ce moment, donc, la grippe aviaire circule activement dans plusieurs pays dans le monde. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Expliquez-moi un petit peu à quoi ressemble votre quotidien ici à l'OIE en lien avec cette grippe aviaire qui circule. La première étape, c'est l'alerte. Donc on va vraiment être en communication permanente avec tous nos pays membres, tous les pays pratiquement dans le monde, qui vont nous alerter dès qu'il y a une détection de cas. Donc l'OIE, comme on l'a dit, va publier cette information, la valider, la publier. Ensuite, on a un suivi avec tous les pays affectés pour qu'ils restent en contact et qu'ils nous envoient des rapports sur l'évolution des événements dans le temps, pour savoir comment évoluent les choses. Suite à cela, donc nous allons mettre l'accent sur les normes que l'OIE publie pour le contrôle de la maladie, pour encourager les pays à mettre en place, sensibiliser les pays à cela. Et dans ce cadre-là, nous avons également notre réseau d'expertise qui peut être mobilisé s'il y a un pays qui a des besoins spécifiques d'être aidé. Il y a des actions qui sont de solidarité internationale qui sont mises en place par l'OIE avec les organismes partenaires. Quelle place occupe l'OIE dans les débats scientifiques, puisqu'il y a des questions qui ne font pas consensus? Par exemple, est-ce qu'il faut avoir recours à la vaccination de façon systématique ou pas? Quelle est la fonction dans ce cadre-là, vis-à-vis de ces débats-là, de l'OIE? Donc ce sont des questions qui vont être traitées dans les normes que publie l'OIE, donc qui sont analysées par le réseau d'experts de l'OIE, et il y a donc des recommandations qui sont fournies suite à ces discussions. Les normes de l'OIE sont périodiquement mises à jour, donc lorsqu'il y a un besoin qui est exprimé, merci, ou bien lorsqu'il y a un pays qui en fait la demande, et effectivement. Donc on a des cycles de révision des normes pour qu'elles soient continuellement mises à jour et reflètent vraiment l'actualité scientifique. Quand vous recevez l'alerte d'un nouveau cas de grippe aviaire, comment vous faites pour vérifier que c'est bien un cas de grippe aviaire et que ce n'est pas une fausse information? Alors, il y a l'information qui nous est envoyée par les pays membres, par les services vétérinaires officiels, et qui est déjà vérifiée au niveau national par les services compétents. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'également l'OIE détecte des rumeurs, des signaux, des informations non officielles, non validées par les gouvernements. Et à ce moment-là, nous allons détecter ces rumeurs grâce à notre réseau de scientifiques, de collaboration internationale, par des algorithmes que nous avons sur des outils spécifiques. Et nous allons systématiquement demander aux services vétérinaires officiels de détailler la situation par rapport aux rumeurs qui peuvent circuler. Et cette action qui est proactive de l'OIE permet d'avoir souvent la confirmation de cas et d'accélérer la notification à l'OIE pour avoir une alerte vraiment précoce. L'une des spécificités de la grippe aviaire, c'est qu'elle peut ou ne pas toucher les humains. En quoi est-ce que finalement c'est un peu un virus qui annonce le futur de la surveillance de ces maladies qui peuvent toucher aussi bien les humains que les animaux, et vers quel type de modèle de santé publique on se dirige avec cet exemple-là? Alors effectivement, la grippe aviaire est un exemple très parlant des virus qui peuvent toucher à la fois l'homme, l'animal, et qui peuvent développer différents cycles de transmission de l'animal vers l'homme, entre l'homme, avec énormément de possibilités selon les évolutions des virus. Donc dans ce cadre-là, ce qui est nécessaire, c'est vraiment d'avoir une approche une seule santé, de considérer ensemble l'épidémiologie et les caractéristiques scientifiques du virus chez l'animal, chez l'homme, et comment également l'environnement va influencer cette transmission entre l'animal, l'homme et voilà, entre les espèces. Voilà le rôle de l'Organisation mondiale de la santé animale pour la surveillance des différents foyers épidémiques et de l'évolution de ces foyers épidémiques de grippe aviaire. Une réaction, Serge Morand, à ce que vous venez d'entendre? D'abord, je voudrais féliciter tous nos collègues qui travaillent à l'OIE. C'est un travail vraiment, vraiment important, surtout que c'est basé sur une grande part du volontariat de tous les services vétérinaires des pays. C'est complètement différent de l'Organisation mondiale de la santé humaine. La deuxième chose, c'est, je voudrais peut-être réagir sur le côté la surveillance, et je pense que c'est l'approche One Health qui va vraiment nous le donner, une seule santé. La surveillance, c'est qu'une seule partie simplement de l'analyse de risque. Finalement, il faut aussi travailler sur, et là on va peut-être pouvoir en discuter, sur les causes, les origines, et finalement comment retravailler notre système de production de manière à assurer à la fois la santé animal de production, mais aussi protéger la faune sauvage des répercussions de ces grippes à répétition. Jean-Luc Guérin. Oui, moi je suis. Ah, est-ce qu'on a perdu Jean-Luc Guérin à l'instant? On a perdu Jean-Luc Guérin à l'instant, donc on va le rappeler, le recontacter. Ah non, je crois que vous revoilà, Jean-Luc Guérin, vous m'entendez? Non, c'est... Alors Serge Morand, je vais revenir avec vous. Oui. Justement, une tribune publiée vendredi dernier dans Le Monde, sous le titre « La biosécurité met en péril l'élevage en plein air », pose tout de même un certain nombre de questions, puisque aujourd'hui, quand on est dans les circonstances épidémiques de grippe aviaire que l'on connaît, L'une des réponses est de dire, eh bien, on met tous les élevages de volailles à l'abri pour qu'ils évitent bien d'être contaminés par l'extérieur, par des déjections d'oiseaux sauvages, etc. Et d'un autre côté, le paradoxe, c'est que le premier cas français de grippe aviaire en 2021 est apparu dans une structure de 160 000 poules sans accès à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelle est la solution et comment est-ce qu'on résout ce paradoxe? Alors, c'est un paradoxe sans l'être vraiment. On s'aperçoit que les élevages d'animaux en plein air, ce sont souvent des espèces traditionnelles, locales, qui ne supportent pas l'enfermement. Et que ce sont uniquement des espèces industrielles, des races industrielles, qui sont capables de supporter l'enfermement, la densité, qui sont souvent d'ailleurs immunodéprimées, et qui sont le véritable réacteur de la véritable sensibilité par rapport au virus. Donc, on punit un peu les animaux et les éleveurs qui, en fait, ont une vision un peu traditionnelle et généralement des animaux qui ne sont pas victimes du virus. Alors, mais par contre, qui peuvent participer de leur transmission. Donc ça va nous dire qu'on doit trouver d'autres méthodes, on doit trouver d'autres réponses et en travaillant sur l'élevage en lui-même. Ça va être ça qu'il va falloir notre grand chantier à mettre en place. Jean-Luc Guérin, vous êtes de retour parmi nous. On interrogeait le paradoxe qu'il y a entre dire est-ce qu'il faut rentrer effectivement toutes les volailles et tous les oiseaux d'élevage à l'intérieur dans des hangars clos sans contact avec l'extérieur pour éviter qu'ils se contaminent à la grippe aviaire, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, il faut les laisser dehors puisque certains exploitants disent que dehors, les animaux qui vivent dehors ont un meilleur système immunitaire et résistent mieux à la maladie et donc ils sont moins à risque que les animaux de batterie qui, eux, sont immédiatement contaminés parce qu'ils sont très immunodéprimés. Alors, moi, je comprends tout à fait le raisonnement, mais en voyant un petit peu ce qui se passe dans les conditions de terrain, je vois bien que la réalité est un petit peu, je dirais, un petit peu plus nuancée. En fait, ce que l'on voit bien, c'est que il y a des périodes, notamment la période que l'on vit, pendant laquelle il y a une exposition maximale, en tout cas des élevages qui sont sur nos territoires. Et il me paraît raisonnable de les mettre à l'abri de l'exposition pendant ces quelques semaines qui correspondent à cette exposition maximale. Ensuite, la notion d'immunodépression et de plus grande résistance de certaines souches vis-à-vis de ces virus de clade 2-3-4-4B, j'ai du mal à y croire. Au regard de ce que je vois dans les conditions, je dirais, d'élevage, je pense que aujourd'hui, virtuellement, tout ce qui a un bec et des plumes peut être infecté de manière très grave par ce virus. Donc j'ai du mal, si vous voulez, à croire que, au stade où on en est dans l'évolution virale, on puisse, si vous voulez, travailler véritablement sur cet instrument pour protéger les élevages. Par contre, que sur un pas de temps plus long, et notamment sur le creuset de création de ces virus, en quelque sorte, qui est l'Asie du Sud-Est, on ait véritablement intérêt à travailler sur un système plus résilient et moins, je dirais, moins susceptible de générer de nouveaux virus, là, j'abonde tout à fait. C'est-à-dire que concrètement, quand on parle de système résilient, moins susceptible de provoquer des nouveaux variants, etc., ça veut dire réduire drastiquement les élevages en gare, les batteries de ces animaux qui ne voient jamais la lumière et qui sont susceptibles de se contaminer, d'être de véritables bouillons de culture viraux. C'est de ça dont vous parlez ? Je parle, alors, il y a de ça, mais il y a aussi, et peut-être surtout, des systèmes de connexion. C'est-à-dire, en gros, je pense que la vraie difficulté, c'est quand vous avez sur le même territoire des grands élevages, des petits élevages, des élevages de poulets, des élevages de canards, qui n'ont pas les mêmes rapports avec les virus influenza. En gros, les palmipèdes peuvent servir, si vous voulez, de réservoir et d'amplificateur. Par contre, quand le virus passe chez les poulets, la vitesse, et si vous voulez, la pression de sélection, la pression évolutive va être plus forte. Et donc, c'est ce jeu de ping-pong d'un compartiment à l'autre qui est redoutable. Et donc, il y a des zones dans lesquelles vous avez cette superposition, quelque sorte, de compartiments aviaires. Lorsque vous avez, par exemple, des marchés aux volailles vivantes, c'est encore, évidemment, toutes les occasions, si vous voulez, d'interface sont très importantes. Ça me paraît au moins aussi important que la taille des unités elles-mêmes. Pour être tout à fait honnête, je pense que c'est ça qu'il faut bien voir, c'est qu'on a des zones dans lesquelles on a un écosystème qui est beaucoup plus favorable à ces mélanges à la fois d'espèces, ces flux, et puis il y a aussi le port qui peut intervenir au milieu sur pour aider à l'évolution et éventuellement à la transition vers des virus plus adaptables à l'homme. Et je crois vraiment à cette notion d'écosystème avec une juxtaposition de différents types de populations. Serge Morand, une réaction à ce que vient de dire Jean-Luc Guérin. Ah, je pense qu'on s'accorde parfaitement là-dessus. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on observe en Europe, finalement, c'est les conséquences de ce qui se passe dans des situations hautement densifiées, aussi bien en termes de densité d'individus que de densité d'unités de production, et en même temps avec une baisse de diversité génétique des races d'élevage. Hein. Ce que je voudrais quand même rappeler, qui est peut-être aussi un participant de la création virale, en tout cas de la faible résistance quand même des animaux d'élevage. Au même moment, quand je vous ai parlé de cette augmentation énorme de l'élevage, on a une baisse aussi bien catastrophique de la diversité des ressources génétiques. Si on s'accorde aux données de la FAO, c'est de 30 à 40% des races domestiquées, donc des races de poulets, qui sont en voie de disparition, d'extinction. Donc avec une uniformisation globale. Donc c'est vrai qu'il faudra retravailler notre système, et spécialement aussi dans les zones à forte concentration, retravaillons aussi peut-être, est-ce que la diversité, recréer de la diversité dans les élevages permettrait peut-être justement de pouvoir réduire la transmission à l'intérieur même des élevages, voire entre les élevages. C'est des questions qui restent à être posées, qu'en tout cas les évolutionnistes posent. Parce que quand on regarde la création, quand on regarde les épidémies, la variabilité, la diversité génétique des hôtes réduit le syndrome épidémique. Une question peut-être pour parler aussi de la façon d'agir quand l'épidémie est là. Aujourd'hui, à part ce qu'on appelle de façon euphémistique le dépeuplement, c'est-à-dire l'abattage massif de tous les élevages dans lesquels on trouve un cas, on ne dispose pas d'un arsenal très divers. La vaccination, c'est pas très concluant, il y a beaucoup de scepticisme, les antiviraux, eh bien on redoute qu'ils finissent par avoir le même type d'effet que l'on peut avoir sur les bactéries résistantes aux antibiotiques, c'est-à-dire finir par produire de nouveaux variants qui finiraient par échapper aux antiviraux. Comment est-ce que on s'outille finalement pour répondre à cette menace, Jean-Luc Guérin? Alors effectivement, pour l'instant, les instruments que l'on a, c'est les tests. Et c'est le dépeuplement, c'est-à-dire l'abattage des élevages foyers et éventuellement des élevages en très forte proximité dont on sait qu'ils ont une probabilité très forte de devenir eux-mêmes foyers. Alors, par rapport à la vaccination, je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé. C'est vrai que la vaccination, dans la communauté vétérinaire, elle est mal appréciée, si vous voulez, en matière d'influenza aviaire, puisque elle est, je dirais, les pays qui vaccinent sont, à tort ou à raison, suspecté quelque part d'avoir renoncé à la biosécurité, à la maîtrise sanitaire. Mmh. Et le risque, c'est effectivement de bloquer les signes cliniques, mais de garder l'infection, de conserver les infections, et donc d'entretenir des porteurs sains dans lesquels le virus continue d'évoluer, et avec toutes les conséquences que l'on a déjà décrites. Donc par rapport à ça, je pense qu'on a aujourd'hui quand même des éléments un petit peu nouveaux qui concernent d'abord la mise à disposition de nouveaux types de vaccins, qui sont issus de nouvelles technologies. On a des vaccins recombinants, des vaccins ARN, des vaccins sous unité, qui nous permettent d'une part d'être efficaces et d'autre part de tester beaucoup plus facilement la circulation de virus à bas bruit chez des animaux infectés. Et c'est pour ça que, bon, moi je pense qu'il faut réévaluer cet outil lorsque c'est nécessaire, de manière très ciblée et encore une fois dans un ensemble de mesures, en complément de la biosécurité et de la surveillance. Mais moi, j'espère honnêtement que l'on va pouvoir retrouver une place à la vaccination dans la doctrine sanitaire. Et je sais que c'est un vrai combat à l'échelle internationale pour arriver à ça. Mais je pense qu'il y a une place quand même pour la vaccination, alors qu'il n'y a pas de place pour le traitement. Serge Morand, votre sentiment à ce propos? Oui, je suis aussi encore en accord. On a tout un ensemble d'instruments certainement nouveaux, comme la vaccination, une meilleure augmentation, une meilleure qualification de la surveillance. Travailler aussi un peu mieux sur l'élevage. J'aime bien quand on parle justement de bonnes pratiques, c'est aussi un message. Mais c'est vrai qu'il va falloir changer par contre de pratique. L'abattage ne passe plus, c'est-à-dire que on voit bien au niveau des consommateurs, des citoyens, on voit bien au niveau des éleveurs, il y a une montée forte aussi de la vision sur le bien-être animal, un retour aussi des éleveurs et une volonté des éleveurs d'être proches aussi de leurs animaux, c'est-à-dire qu'ils ont perdu dans l'élevage industriel. Si on veut sauver aussi l'élevage, sauver ça, c'est d'éviter de partir sur une viande totalement industrielle ou d'autres modes de consommation. Même s'il faut réduire la consommation de viande, il va falloir penser que la mode de gestion par l'abattage n'est plus possible, n'est plus admissible dans nos sociétés, y compris d'ailleurs aussi dans les sociétés d'Asie aussi, quoi. Donc ça nous force forcément de trouver d'autres méthodes de gestion de la santé animale. Oui, de cette fameuse une santé, One Health, dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, hein, pour conclure, quand on décrit un peu ce tableau épidémique de la grippe aviaire, quand on voit ce qui se passe en Asie du Sud-Est, ce n'est pas comme si on était encore les deux pieds dans une pandémie qui a frappé toute la planète. On a le sentiment que les conditions ne sont pas réunies pour que ça ne se reproduise plus et qu'on ne se retrouve pas avec un virus H5 mutant qui pourrait passer via le porc, vous le disiez tout à l'heure, ou via les êtres humains, et qui pourrait avoir des conséquences assez dramatiques à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est parce qu'on est terrifié et déformé par ce que l'on vient de vivre qu'on a cette crainte-là, ou est-ce que ça reste aujourd'hui concrètement une émergence tout à fait envisageable, Jean-Luc Guérin ? Alors, moi, je crois peu, si vous voulez, à une émergence directe d'un virus qui deviendrait pandémique à partir du H5, pour des raisons de restrictions d'hôtes, hein, et qui sont liées notamment à la clé, à la H5, qui est quand même pas la plus efficace chez l'homme. Par contre, ce qui est possible, ce sont des échanges de gènes, de segments promenant de virus aviaires vers des virus adaptables à l'homme. Et donc ça veut dire que sur un pas de temps long, le fait de laisser prospérer comme ça de grandes quantités de virus dans la nature n'est pas bon. Parce que ça augmente statistiquement le risque de réassortiment malheureux, avec des virus qui auraient à la fois des capacités de virulence et des capacités d'adaptation, de fitness aux autres mammifères et à l'homme. Serge Morand, votre sentiment à ce propos pour conclure ? C'est exactement ça. On l'a bien vu avec le H1N1, hein, qui avait été émergé en 2009. C'est un réassortiment assez ancien avec des lignées porcines, des lignées aviaires nord-américaines, des lignées humaines. Tout ça avec des échanges énormes de virus de cochon, mais qui enfin de virus qui tournaient chez le cochon, mais qui ont été changés dans les transports internationaux. Ce réassortiment et ces triples réassortiments nous ont donné après le H1N1V qui a émergé après pour nous donner ce virus pandémique de 2009. On a eu la chance qu'il n'était pas virulent, mais il aurait pu l'être. Eh bien écoutez, c'est sur cette touche d'optimisme qu'on va terminer cette émission. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus nous parler avec précision de la grippe aviaire. Merci Jean-Luc Guérin, merci Serge Morand. On peut vous lire dans L'Homme, la faune sauvage et la peste, c'est aux éditions Fayard. La méthode scientifique, c'est Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Céline Lozen, Natacha Trioux, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.